Il des secrétaires dans la salle. Il y en a pas mal. Ok, alors, à l'occasion de la semaine des secrétaires, justement, je voudrais rendre hommage à toutes celles qui œuvrent au sein de la hiérarchie des affaires, ces secrétaires dont on sous-estime généralement l'importance primordiale au sein d'une compagnie, et je les connais bien pour avoir eu souvent affaire à elles, aux secrétaires. Et voici comment je les situe au sein de cette hiérarchie des affaires. Tout d'abord, il faut savoir que dans cette hiérarchie, on trouve le président. Il faut savoir que le président, lui, il agit aussi vite qu'une balle, il est plus fort qu'une locomotive, il écarte les obstacles d'un seul coup de la main et il parle à Dieu. Vient ensuite le vice-président. Il est presque aussi vite qu'une balle, presque aussi fort qu'une locomotive. Il dénonce les obstacles et il parle souvent à Dieu. Il y a le directeur. Il tire des balles. Il admire la locomotive. Il saute par-dessus les obstacles et il demande aux autres de parler à Dieu. Ensuite, il y a le chef de département. Lui, il a peur des balles. Il court après le train, il se cache derrière les obstacles et parle quelquefois à ceux qui ont parlé à Dieu. Il y a ensuite le commis. Lui, il n'a jamais vu une balle. Il n'aime pas les voyages, il se cogne le nez partout et il y a longtemps qu'il a perdu la foi. Il reste maintenant la secrétaire. Elle attrape les balles entre ses dents. Elle arrête la locomotive avec un doigt. Elle soulève les grands obstacles et passe en dessous. Elle est Dieu. D'ailleurs, le mot secrétaire ne vient-il pas du latin secretarium, qui désigne l'espace secret, retiré, dans lequel Dieu lui-même se manifeste. Et ce mot a son équivalent chez les Hébreux, où il désigne le lieu secret où est cachée l'arche d'alliance, le tabernacle. Donc, secrétaire et tabernacle, c'est la même chose, alors bonne fête aux deux. Ce qui nous amène tout naturellement à parler maintenant de la hiérarchie surnaturelle et de la gérance des affaires cosmiques en compagnie de Bernard de Montréal, qu'on accueille sans plus tarder. Arrivez-vous de voyage, Bernard? Ah oui, oui, tout en voyage. Là, je manque jamais mon coup quand je lui pose cette question-là. Il arrive toujours de voyage. Est-ce qu'on peut savoir où vous avez été? Non. Est-ce qu'à travers la découverte de ces contrées lointaines, vous qui visitez des pays où les pieds de l'homme n'ont jamais mis la main, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer le pape? Un autre voyageur, il y en a deux sur la Terre, Jean-Paul II et Bernard Ier. Vous arrivez jamais de vous croiser, d'échanger un peu, de parler des affaires de la gérance cosmique? Non, on ne suit pas le même sentier. Ah, alors comme ça, tous les chemins ne mènent pas à Rome. C'est juste. Bon. Mais ce serait peut-être profitable que vous vous rencontriez, parce que d'un bord et de l'autre, vous faites chacun vos déclarations. Et puis... Le fait que vous rencontriez qu'il y a un œcuménisme qui se fasse à ce niveau-là, nous autres, on n'y perdrait peut-être pas au change. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que depuis quelques mois, le pape fait des déclarations, j'en ai 5 ou 6 ici que j'ai découpées dans les journaux, à propos des anges. Et plus je lis, et moins je comprends. Alors justement, il veut nous éviter la confusion qui existe à propos des anges. Et il y va de ses déclarations. Alors, il est supporté par un proche collaborateur, Monseigneur Giuseppe Del Ton, âgé de 85 ans.